France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Mais bonjour à tous, bienvenue au studio 106 de la Maison de la Radio. Nous sommes en direct, bien sûr. Alors, comment vous les présentez ? Je dirais, excusez le respect, glamour mais couillu. Trois drôles de filles que nous accueillons ce matin. Car ce matin, cabaret 42e rue a un coup de cœur pour un trio de filles qui ne manquent pas de toupet et qui sont toutes trois issues du monde de la comédie musicale. Lola Cess a joué au Théâtre Mogador dans Sister Act et dans Hairspray. Marie Facundo a joué dans Hairspray, on peut les applaudir bien sûr. Marie Facundo a joué dans Hairspray, dans Love Circus, aux Folies Bergères, et puis elle a incarné Dorothée dans une nouvelle version du Magicien d'Oz, c'était au Grand Rex. Quant à Juliette Faucon, elle a créé sur scène le rôle fameux de la poupée fabriquée en Chine, chantée dans Le Soldat Rose par Vanessa Paradis et qui fut adaptée sur scène par Shirley Edino. Elles ont débarqué toutes les trois, ni vues ni connues, dans la petite salle du Grand Point Virgule il y a maintenant un an et touchent le public avec ce qu'elles appellent du stand-up musical. Alors ce matin, elles sont venues en compagnie d'amis issus eux aussi de la comédie musicale en France. Elles ont chacune leur caractère, vous allez le voir. Leur physique aussi, avec lesquelles elles jouent à merveille. Je vous propose d'accueillir ce matin les Coquettes, accompagnées au piano par Cyril Taïeb. Voici la loi des coquettes, bien trop belles pour être honnêtes. Elles vont vous dévoiler leurs quatre vérités. Dès qu'elles descendent dans l'arène, la foule entière se déchaîne. La foule entière se déchaîne, elles vont vous lancer des baisers par milliers. Oh oui, c'est la loi des coquettes, avalent toutes leurs sornettes. Oh oui, c'est la loi des coquettes, plus personne ne fait un geste. Là, ils se disent, ouais, sont mimi, mais c'est quoi leur truc? Bon, ben, on va se présenter. Un jour, on s'est dit, mais vas-y, viens, on est des copines, mais vas-y, viens, on fait un groupe. Ben voilà. Et comme on était trop belles, on s'est dit, bah, vas-y, viens, on s'appelle les Coquettes. Moi, j'ai tout de suite adoré le nom. Et là, on s'est mises à écrire, on a bossé comme des dingues, et un jour, bah, on s'est lancé, on a fait plein de petits concerts. Des petits concerts de merde, dans des bars de merde, enfin, c'était vraiment de la merde, quoi. Oui, bah, ça va. Non, mais c'était bien quand même. Tellement bien qu'un jour, il y a Laurent Vallière qui nous a dit... Eh les filles, c'est super votre truc. Vous voudriez pas venir dans mon émission ? Faut coucher avec toi ? Cool. Bref, en fait, on était trop contentes. Alors voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, sur la 42e rue de Laurent Vallière. Et s'il y a une chose que vous devez retenir sur nous, c'est qu'avant de monter sur scène, on était amis. Non, il n'y a pas de chef entre nous. Y a pas ce genre de micmac entre nous. Non, il n'y a pas de chef entre nous. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est de chanter choubidoubidou entre nous. Pas de big boss qui commande entre nous. Pas d'embrouille d'enfantillage entre nous. Tordre le cou. Cela dit, je suis quand même bien plus jolie que vous deux. Oh, comme tu y vas, ma belle. Essaie de compter jusqu'à deux. Moi, j'ai décroché le gros lot. Oh, je suis très belle et j'ai un cerveau. N'hésite pas à t'en servir. Rien qu'une fois, ça nous ferait plaisir. Non, il n'y a pas de chef entre nous. Y'a pas ce genre de micmac entre nous. de choubidoubidou entre nous. Hé la naine, vas-y lève-toi. Ah pardon, t'es déjà debout. Hé la blonde végétarienne, étouffe-toi avec ton tofu. Hé espèce d'Orient Express, y'a que le train qui t'est pas passé dessus. Dans mon wagon, y'avait ton mec. Je crois que ça lui a bien plu. Tap tap té, palap tadé. Tap tap té, skidam. Babidoubidoubdi, liptidi. Skyoutoudi, liotoudi. Tweeda, baloubaloubdi. Skyoutoudi, liotoudi, liotoudi. Skibidibabidibab. Tweep, tweeda, tweeda, palap té. Je t'ai le cerveau de la taille d'un mois chiche. T'as vu ta tête, tu trouveras jamais de mec. Tant pis pour moi, je mangerai un bon beefsteak. Tu feras mieux de manger de la soupe, ton cul est plus gros que la Guadeloupe. Tu ferais mieux de refaire ton nez, au moins tu pourrais avoir tes pieds. Non, il n'y a pas de chef entre nous. Y'a pas ce genre de micmac entre nous. Non, il n'y a pas de chef entre nous. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est chanter choubidoubidou entre nous. On a vraiment passé l'âge de s'engueuler, de se tordre le cou. C'est chanter choubidoubidou entre nous. Oh yeah! Merci beaucoup. Elles s'appellent les Coquettes. Elles sont ce matin en direct sur la 42e rue de France Musique. On est ravis de vous accueillir. On est ravis de vous découvrir. Je me demandais juste, première question, chère mademoiselle, un nom comme ça, les Coquettes, vous ne trouvez pas que vous allez un petit peu exclure, par exemple, la jante féminine, qui pourtant est bien présente ce matin dans le studio 106. La jante masculine, vous voulez dire? La jante masculine, je veux dire, exactement. C'est vrai que sur le papier, un spectacle qui s'appelle Les Coquettes avec trois nanas, ça peut faire flipper. Oh, Laurent, t'exagères. Ça va. Non, mais on vous charrie, les hommes. Mais vous savez quoi? Il y a beaucoup plus d'hommes féministes qu'on ne pense. Est-ce que là, ce matin, il y a des hommes féministes? Ah! Il y en a deux, c'est cool. Non, mais les autres, c'est parce qu'ils sont humbles. Mais je veux dire, ne le soyez pas. Si aujourd'hui, les femmes, on a réussi à avoir cette place dans la société, c'est aussi grâce à tous ces hommes féministes qui nous ont soutenus et qui ne sont pas là ce matin. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu plein d'évolutions, quoi. Enfin, par exemple, avant, il y avait des métiers qui n'étaient réservés qu'aux hommes. Oui, bah oui. Aujourd'hui, une femme, elle peut être chef d'entreprise et mère de 6 enfants sans être en dépression. Et tout ça grâce au Prozac. Aujourd'hui en France, une femme, elle a le droit de voter. Elle a le droit de se marier par amour. Ou alors de pas se marier du tout et de faire l'amour juste pour le plaisir. Elle a le droit d'avoir des enfants. Ou pas. De divorcer. Ou pas. Elle a le droit de porter une robe, une jupe ou un pantalon. Elle a le droit d'aller à l'école. Elle a le droit de réserver sa virginité ou d'être libertine. Elle a le droit de porter plainte pour viol, parce qu'en France, c'est un crime. Elle a le droit de conduire, même un poids lourd. Elle a le droit de se marier avec une autre femme. Elle a le droit d'avorter. Elle a le droit de rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Elle a le droit de danser. Elle a le droit de parler. Elle a le droit de pleurer. Elle a le droit de chanter. Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit. Et tout ça, sans être lapidée. Et maintenant, sans transition de la lapidation à l'épilation. Je ne suis pas celle que tu crois. J'ai des secrets, des petits extras. Mais je les cache au fond de moi. Ma recette pour te plaire à toi. Je me lève 10 minutes avant pour aller me brosser les dents et me ravaler la façade. Le matin, ma tête c'est Bagdad. Je suis pas celle que tu crois. J'ai des secrets, des petits extras. Mais je les cache au fond de moi. Ma recette pour te plaire à toi. Les gaines et les poux, je prends bourré. Ça marche jusqu'à ce qu'ils soient enlevés. Alors pour pas te décevoir, je te fais croire que je préfère dans le noir. Mais j'avoue que c'est pas pratique. Où est ta tête, où est ta... Oui, je l'avoue, je me sens serrée dans ton... suis pas celle que tu crois. J'ai des secrets, des petits extras, mais je les cache au fond de moi. Ma recette pour te plaire à toi. Orientale, pour te faire croire que je n'ai pas de poils, et mettre à fond Lara Fabian pour cacher tous mes hurlements. Mon quotidien, ma vie de poilu, trois fois par jour je n'en peux plus. Oui, je l'avoue, j'ai des poils et en plus ils sont drus. Oui, je l'avoue, je t'ai menti, je serai tondue. Cool, ouais. Je ne suis pas celle que tu crois. J'ai des secrets, des petits extras, mais je les cache au fond de moi. Ma recette pour te plaire à toi. Je ne suis pas celle que tu crois. J'ai des secrets, des petits extras, mais je les cache au fond de moi. Ma recette pour te plaire à toi. Oui, je l'avoue, j'aurais dû le dire depuis le début. Oui, je l'avoue, je t'ai menti, ni vu ni connu. Je t'embrouille. En direct sur la 42e rue de France Musique, vous découvrez les coquettes. Elles sont trois. Il y en a une qui est blonde, elle s'appelle Juliette Faucon. L'autre est brune, elle s'appelle Marie Facundo. Et la troisième est rousse, on peut dire. Lola Cesse, bonjour. Rousse, tout à fait. Ah voilà. Rousse, c'est un petit peu, on va dire... Enveloppée, vous voulez dire? Oui, dodu, j'adore dodu. Vous venez toutes les trois du domaine de la comédie musicale, c'est pour ça que j'ai eu le coup de cœur pour votre spectacle, je dois dire, qui non, est merci. Pour moi du théâtre musical. Ah. Qui écrit ces textes? C'est nous. Nous trois, ensemble. Ouais, on écrit tout à six mains, en fait. Ouais. On a une règle, c'est que tant qu'on n'est pas toutes les trois très contentes de tout ce qu'on a fait, on continue de travailler. Et donc ça fait ce résultat-là de chansons. Voilà, ça part de discussions, parfois anodines entre nous, on se dit « Ah tiens, ça ferait un bon thème », et là on part en impro et on commence à écrire, soit vraiment c'est une séance de travail et on se dit « J'aimerais bien vraiment aborder ce thème » et on se lance. Alors quel thème abordent les coquettes, si on va aller voir sur scène? Ça va de l'amitié à l'excision. Disons qu'on ne s'interdit rien. On se dit, en fait, un jour on a une discussion, on s'est dit, mais c'est où la limite? Où est-ce qu'on s'arrête? Et du coup, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on ferait pas une chanson sur ce qui est limite, ce qui peut être tabou? Et pourquoi on n'en ferait pas des jolies chansons et on se permettrait d'en parler? Donc, on parle de l'excision, on parle du suicide, des bébés congelés. On s'interdit rien. Voilà, on parle aussi d'amour, évidemment, de féminisme, voilà, on parle de toutes les choses qui nous importent et qui nous tiennent à cœur. Un peu de coquinerie aussi, parce que c'est toujours important, un peu de coquinerie. La légèreté. Mais toutes les trois, vous êtes chanteuse, oui. Vous êtes comédienne, je vous ai vues toutes trois sur scène, mais vous êtes aussi auteure, c'est plus rare, c'est quelque chose que vous faites depuis toujours? Non, on s'y est mise pour les coquettes en fait. Lola l'avait essayé un petit peu sur Les Malheurs de Sophie. Oui. J'avais essayé, mais j'étais allée au bout quand même. Hein. Quoi? Oui. Elle avait même réussi. Non, elle avait réussi à le faire et c'était pas gagné d'avance, j'aurais pas misé sur elle. Et elle l'a fait et c'était super. Oui, moi j'écrivais des chansons pour moi et Lola, pour d'autres comme Les Malheurs de Sophie, où j'avais aussi placé une chanson sur Dracula. Que j'avais d'ailleurs faite avec Cyril, qui nous accompagne et qui on va voir tout à l'heure. Mais par contre, on n'avait jamais fait de texte de comédie. Exactement, ouais. Ça c'était nouveau très nouveau. Pour nous trois. Alors on va découvrir d'autres thèmes que vous abordez dans votre spectacle. Les Coquettes est actuellement à l'affiche au Grand Point Virgule. Mais on va aussi découvrir chacune votre carrière musicale dans la comédie musicale, à commencer par vous. Je regarde droit dans les yeux, Lola Cesse, pendant que peut-être vous pouvez vous diriger vers le micro, parce que, on peut dire qu'on vous a vu dans de nombreuses comédies musicales, Dracula de Kamel Wally, vous en parliez, c'était au Palais des Sports, Love Circus et Disco, c'était sous la direction de Stéphane Jarny aux Folies Bergères, mais aussi dans Sister Act, la comédie musicale à Mogador, et puis dans une comédie musicale ébouriffante, Hairspray, d'après le film de John Waters, ça s'était donné au Casino de Paris, c'était à Paris, et vous incarniez, Lola, une héroïne un peu boulotte. Elle s'appelait Tracy, très antiraciste, qui va bousculer la ségrégation de l'Amérique des années 50 dans cette ville moyenne de Baltimore. Un spectacle qui s'ouvrait par ce numéro intitulé Good Morning Baltimore. Vous êtes ce matin accompagné par Antoine Meyrand. I jour se lève, je sors d'un rêve, le même toujours. Ah ah ah, j'ai faim d'une chose qui m'échappe encore. La vie est dehors, la ville qui s'élance m'entraîne dans sa danse, comme un message que m'envoie le ciel. Ah ah ah, puis je rejoins les sourires et les rues qui m'appellent. Good morning Baltimore. Chaque jour est un vrai trésor. Chaque soir toute la terre frémit. Chaque bruit fait chanter la vie. Good morning Baltimore. Et bientôt quel que soit le décor, faudra que le monde nous voit. Baltimore et moi. Oh oh oh, y'a pas de doute, la plus belle choucroute, c'est bien la mienne. Oh oh oh, j'ai ma radio et ma bombe de lac. Alors à l'attaque, les rats du quartier dansent tous à mes pieds, comme pour dire Tracy, faut se lancer, c'est tout. Oh oh oh, tant vous y faire, je vais vivre mes rêves les plus fous. Good morning Baltimore. Y'a déjà des gens ivres morts. Y'a aussi mon voisin pervers qui me sourit derrière son imper. Good morning Baltimore. Et bientôt quel que soit le décor, faudra que le monde nous voit. Baltimore et moi. Je connais tous les tubes, je connais tous les pas. Y a bien quelque part une place pour moi. Partout les lumières de la fête se succèdent. Faut vite qu'on m'invite ou sinon je tomberai. Oh oh oh, ferai-moi ma chance, parce que dès que je danse, je suis la star des stars. Oh oh oh, au fond de moi y a quelque chose qui court quand j'entends le groove. C'est non, mais mon cœur dit c'est bon. Rien qu'une percue et je me sens bizarre. Oh oh oh, je passe mon temps à attendre que ma vie démarre. I love you Baltimore. Chaque jour est un vrai trésor. Chaque soir toute la terre frémit. Chaque bruit fait chanter. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Lola Sess, Good Morning Baltimore. Alors, Airspray, c'était une comédie musicale jubilatoire signée Mark Shyman qui respectait à la lettre l'esprit du film de John Waters. Dans le film, l'acteur travesti divine incarnait la mère de Tracy. Et dans la comédie musicale, on a aussi donné ce rôle à un homme. C'est John Travolta, lorsque la comédie musicale a été à son tour adaptée au cinéma, qui incarnait la mère de Tracy. Il était habillé d'une prothèse énorme. Il avait une scène très émouvante où il dansait un slow avec son mari, interprété par Christopher Walken. La chanson s'intitulait Timeless to Me et à Paris, lors de l'adaptation française de Hairspray, dans laquelle vous avez joué Lola Sess, eh bien, ces deux rôles étaient incarnés par Franck Vincent et Gilles Vajou, qui nous font le plaisir d'être là ce matin, oui, invités par les Coquettes, revenus interpréter en direct ce morceau accompagné par Antoine Méran, une adaptation en français signée Stéphane Laporte. Timeless to Me, Gilles Vajou, Franck Vincent. Tout passe, tout lasse, les modes se remplacent. Mais Edna, t'es toujours dans le coup. Peu Vin, sucre et bière, la vie est plus chère, mais ce qui compte ne coûte pas un sou. T'es comme un vieux camembert, puce, plus le temps passe, mieux t'es faite. T'es comme la grippe saisonnière, puce, mais que ma fièvre jamais ne s'arrête. Y'en a qui disent que la vie brutalise, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Quand j'ai le moral à zéro, je reçois en cadeau un jour de plus auprès de toi. Le twist, le tango, au fond même topo, tout ce qui change c'est comment et où. Jamais tu seras désuet, t'inquiète, t'es toujours dans le coup. Oh, Wilbur, tout change sans cesse, Castro nous agresse, mais Wilbur, t'es toujours dans le coup. Je sais. Les cheveux s'élèvent, les miens font la grève, mais tu me trouves pimpante comme tout. T'es comme une grande cuvée de vieux rhum, une cuvée qui vaut le détour. Alors serre-moi vite un petit magnum, qu'on lève nos verres tant qu'on y arrive toujours. Moi je dévore tes cheveux, s'évaporent, notre avenir je le vois d'ici. T'auras ta moumoute, moi mon bœuf en croûte, une pile et au lit. John Wayne est très grand, Jerry Lewis est tordant, mais je préfère 10 000 fois mon loulou. Tu seras jamais ringard, canard, t'es toujours dans le coup. Certains désespèrent, mais pourquoi s'en faire? Le temps est de notre côté. Parce que ça va de soi, je reste avec toi jusqu'au jugement dernier. Et puis notre petite est une réussite, tu te rends compte qu'elle vient de nous. Tu tombes toujours pile poil, animal, t'es toujours dans le coup. T'es mon mercure au chrome, même oum, t'es toujours dans le coup. Viens par ici, grand fou. T'es toujours dans le coup. T'es toujours dans le coup. Gilles Vajou, actuellement à l'affiche, et hier soir encore dans Oliver Twist à la salle Gaveau, et Franck Vincent à partir de janvier dans Hit Parade au Palais des Congrès. Lola Cess, Marie Facundo, vous avez joué dans Airspray. Pourquoi vous avez choisi ce matin de faire venir Gilles et Franck? C'est évident, c'est tellement émouvant de qu'ils soient là. On a partagé une aventure ensemble il y a quelques années et c'était fort, l'œuvre est forte. Et on a créé des liens d'abord professionnels. On a une admiration, Lola et moi, pour Gilles et Franck. Exactement. Et ensuite, des liens d'amitié. Et je sais que Lola, elle est très émue. Et moi aussi, on est vraiment... merci, les garçons, d'être là. Et nous aussi. Et ça nous fait un grand plaisir. Ouais, et puis au-delà de ça, c'est vrai que... moi, j'étais quand même pas mal plus jeune quand j'ai fait Airspray. Lola Cess. Gilles et Franck, c'est quand même deux personnes très installées dans la comédie musicale. T'as envie de pleurer ? Un petit peu. Bah, voilà. Donc, j'étais très impressionnée d'avoir un rôle si important à défendre. Elle avait peur, la pauvre. Elle a oui, j'avais quoi. Vraiment très ça peur. Ça s'ouvrait sur elle toute seule. Et ils m'ont vraiment beaucoup aidée, beaucoup soutenue et beaucoup appris de choses. Donc, c'était vraiment un juste retour des choses de les inviter aujourd'hui. Comment vous avez débuté dans la comédie musicale, Lola Cess? Moi, je me suis retrouvée sur le Soldat Rose complètement par hasard parce que le pianiste qui accompagnait les auditions était un certain Cyril Taïeb, qui était un ami à moi à l'époque. Et il m'a dit, tu devrais vraiment venir passer les auditions, je pense que tu pourrais leur plaire. Puis je lui ai dit, oh, dis donc, tu m'embêtes, toi, avec tes comédies musicales, ça va quoi, moi, je connais pas ça. Vous chantiez, quand même. J'étais chanteuse, ouais. J'avais fait des écoles de jazz et je faisais des concerts avec des standards et je chantais un peu de pop, comme ça, voilà. Il m'a dit de venir. Bon, finalement, il a un peu insisté, je suis venue. Et puis j'ai été prise. Et c'est vrai que derrière, Cendrillon s'est enchaîné. Et juste après, Airspray, un premier rôle incroyable avec des valeurs de fond sublimes à défendre, des chansons extrêmement forte et en même temps extrêmement difficile et un grand rôle. Et quand on est toute jeune et qu'on arrive sur la scène du Casino de Paris avec ce rôle-là, je peux vous dire que on n'emmène pas large. Et petite anecdote, pardon, c'était il y a pas mal d'années quand même. Hein, maintenant, oui. Ouais, et ben depuis Hairspray, quand on s'appelle au téléphone avec Lola, elle m'appelle maman, elle appelle Gilles papa. Ça fait des années que ça dure. C'est très bien comme ça. Alors vous parliez, Lola Cesse, du Soldat Rose. On peut le dire, c'est sur cette comédie musicale, en 2007, que vous vous êtes toutes les trois rencontrées. Oui. Lola Cesse, Marie Facundo et Juliette Faucon. Alors avant de parler plus un peu plus du Soldat Rose, je vous propose de se replonger, grâce à Juliette Faucon, oui, dans cette comédie musicale de Louis Chédid et Pierre-Dominique Burgot, parce que Juliette Faucon, à l'époque, eh bien, interprétait la fameuse poupée Made in China. On se rappelle de l'intrigue du Soldat Rose, un enfant coincé dans un magasin de jouets à la fermeture. Et alors que les jouets, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte qu'ils se mettent à vivre leur propre vie. Et notamment, donc, cette poupée, Made in Asia, c'est le titre de la chanson qu'interprète ce matin en direct Juliette Faucon, accompagnée par Cyril Taïeb. Je viens d'un tout petit pays. Du fin fond de l'Asie. Sable fin, mer bleue de Chine, où les enfants travaillent jour et nuit à l'usine. J'ai été cousue par une petite fille qui n'a que la rue pour famille. À l'âge où l'on est porcelaine, elle ne pleure même plus. Malgré ses doigts qui saignent, Made in Asia, Made in Asia, quel joli nom. Mais attention, Made in Asia, Made in Asia, triste chanson, Made in Asia, Made in Asia, poupée chiffon. Merci. Juliette Faucon en direct sur la 42e rue de France Musique et cette chanson Medinazia qui avait été créée, on s'en rappelle, lorsque l'album du petit Soldat Rose était sorti par Vanessa Paradis. Alors le Soldat Rose, c'est un conte musical donc créé par Louis Chédid et Pierre-Dominique Burgot. Mm-hmm. C'était en 2006, c'était un peu dans la grande lignée d'Émilie Joly de Philippe Châtel. Mm-hmm. En 2007, Shirley Edino l'a adapté sur scène et créé une belle et truculente comédie musicale. Aujourd'hui, plusieurs membres de la troupe sont invités par les Coquettes. Il y a Fabien Ducommun qui a interprété le Soldat Rose en 2007, Jérémy Charvet qui l'a interprété 6 ans plus tard, Anne-Sophie Picard et les Coquettes. Rappelez-vous le final du Soldat Rose, une chanson intitulée Love, Love, Love, avec au piano ce matin sur la 42e rue Cyril Taïeb. Soit d'ici ou bien d'ailleurs, on a tous au fond du cœur cette même idée idéale, même état d'âme, love, love, love, aimer être aimé, love, love, love, voilà le secret. Égale deux, on n'a jamais trouvé mieux que se regarder les yeux dans les yeux pour être heureux. Love, love, love, aimer, être aimé, love, love. Love, love, love, extrait du Soldat Rose de Louis Chédid avec Fabien Ducommun, qui a interprété le premier Soldat Rose en 2007, qui est prochainement à l'affiche du prochain film de André Téchiné, Nos années folles. Jérémy Charvet, qui a interprété le Soldat Rose 6 ans plus tard et qui est actuellement dans Timéo. Anne-Sophie Picard, qui fait partie de la Norale de Koal. Et puis les Coquettes. Quels souvenirs, les Coquettes, Lola Cesse, Marie Facundo, Juliette Faucon? Moi, je voudrais juste dire d'abord que c'est qu'une petite partie de la troupe. En fait, vraiment, il y avait beaucoup plus de gens qui avaient envie de venir, mais on est dimanche et il y a beaucoup de spectacles qui jouent le dimanche en tournée. Donc, la plupart des autres artistes des deux troupes sont en tournée et sont sur scène. Voilà pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui. Quels souvenirs du Soldat Rose, Marie Facundo? Déjà, il y a un souvenir pareil d'amitié profonde qui se sont créées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on ne devait pas aller à cette audition, ni toutes Juliette, ni Nola, ni moi. C'était pas prévu. Juliette, moi, j'étais à la fac d'histoire de l'art. Je me souviens, je chantais, j'écrivais des chansons. Je chantais les chansons de Pierre-Dominique Burgot à l'époque. J'étais toute jeune. Et un jour, j'étais à la fac, il me dit, mais écoute, viens passer le casting. On trouve pas. Donc, je vais avec ma guitare en me disant, j'avais 20 ans, en me disant, bah, qu'est-ce que je vais foutre là? Je crois que c'était mon premier casting. Et en fait, j'ai été prise au deuxième tour. Et à l'époque, je devais partir en vacances. Non, mais quand on est jeune, on est un peu belle. Et elle est partie. Et je suis partie. Et j'ai dit, oh, ben non, mais bon, attendu, c'est déjà parti. Et donc, ils m'ont dit, bah, donc, tu sais, si tu pars, bon, bah, ça sera mort, quoi. J'ai dit, oui, bah, je m'en vais. Et je suis partie et je suis rentrée. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit bon, finalement, ça serait bien que tu reviennes. Ah. Et donc voilà, je me suis retrouvée là, mais j'aurais jamais dû y être, quoi. Moi, j'ai dit à mes copines, oh non, mais c'est une annonce, ils cherchent des chanteuses. Moi, je me chantais plus comédienne. Je vais pas envoyer, je serais jamais prise. Bon, ben, elles m'ont dit, mais si, fais-le, vraiment, fais-le. Et ben, j'ai été prise. Et Lola. Et puis, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par Cyril que je m'y suis retrouvée. Mais j'avais aucune raison d'être là, j'avais vu l'annonce nulle part. J'avais l'impression que c'était. J'ai l'impression que ce spectacle a créé plein de vocations. Oui. Ah oui, oui. Oui, beaucoup. Oui, et puis d'amitié, de liens très forts. Là, parce on que... a fait notre EP. Il y avait Laurent Guillet qui était guitariste sur le Soldat Rose, Cyril qui l'a réalisé, Mathieu Achoux qui était bassiste, il a fait notre cache piano, le truc improbable. il nous a construit notre cache piano. Enfin, voilà, et là, on se retrouve tous ensemble aujourd'hui. Et c'est. Il faut dire aussi que pour la plupart d'entre nous, c'était notre premier spectacle. Oui. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable à vivre. Alors, Juliette Faucon, tout à l'heure, on vous a entendu donc, dans Made in Asia, créé ouais. par Vanessa Paradis en 2006. Ouais. Et quand je me suis plongée dans votre biographie, j'ai vu. Enfin, j'étais stupéfait. Écrit, il est écrit créatrice d'applications et de jeux vidéo. Vous faites toujours ça. Eh ben, en fait, moi, j'ai pas fait tant de comédie musicale que ça parce que, en fait, moi, je voulais faire mes chansons. Et à la fin du Soldat Rose, j'ai écrit des chansons pour moi qui ne sont pas sorties. Et j'ai fait de la création, oui, de jeux télé et d'applications de jeux d'iPhone. Voilà, oui. Entre autres, en même temps que avec les filles, on faisait mûrir ce projet des coquettes. Je faisais ça effectivement. Et vous continuez ? Et je continue, ouais. C'est deux cerveaux différents, ouais, peut-être. J'en ai déjà deux. Elle est pour une blonde, c'est dingue. Vous savez, les femmes avec deux cerveaux. Les femmes ont un nombre de cerveaux incroyable. C'est pas que je veux dire que les hommes non, mais bon, voilà. On va avoir un autre exemple de votre cerveau, chère mademoiselle Les Coquettes, puisque on va découvrir un autre extrait de votre spectacle actuellement à l'affiche au Grand Point Virgule. C'est une chanson qui est accompagnée par le compositeur ce matin. Il s'appelle Cyril Taïeb, on lui parlera dans un instant. Une chanson qui leur ressemble peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire. Le chant des sirènes, en direct sur France Musique. N'a pas d'effet sur toi. C'est une vieille rengaine. Chant pour noyer ma peine. Chant pour que tu reviennes. Deuxième rue sur France Musique, Laurent Vallière. Les coquettes en cabaret, 42e rue, ce matin sur France Musique, on les découvre. Lola Sess, on l'a découvert tout à l'heure, Juliette Faucon qui donc écrit des concepts. Et puis voici Marie Facundo, vous l'avez peut-être découverte au Grand Rex, elle a interprété Dorothée dans une nouvelle version de Doty et le magicien d'Oz. On la voit à la télé aussi dans une série qui s'intitule Nos chers voisins. Elle a joué dans Le Placard, mise en scène par Francis Weber aux côtés d'Élise Semoun. Elle a débuté dans Le Soldat Rose, on l'a bien compris. On l'a repérée dans des comédies musicales de Stéphane Jarny aux Folies Bergères. Et ce matin, elle reprend justement un titre qu'elle interprétait dans Love Circus. Je ne l'annonce pas parce que vous allez le découvrir et le reconnaître vous-même. Elle est accompagnée par Antoine Méran. Marie Facundo, Somewhere, extrait évidemment de West Side Story de Leonard Bernstein. C'est étonnant, les coquettes, vous êtes en face de moi, Juliette, Marie, Lola. Les grains de voix, les trois, sont vraiment complémentaires. Vous avez chacune un grain différent. Oui, on a chacune un grain différent et au sein des coquettes, on a chacune une place dans l'harmonie. C'est avec Cyril, c'est Cyril surtout qui a mis ça en place. Cyril Taïeb. Cyril Taïeb, oui, qui a composé aussi pas mal de chansons. Mais c'est vrai qu'on a, chacune un emploi dans les coquettes, et on n'a pas seulement un grain différent, on a trois personnalités différentes, trois physiques différents, on a souvent des idées différentes, on n'est souvent pas d'accord, et c'est ce qui fait justement, je pense, la particularité de notre groupe, c'est qu'on est trois identités, on l'espère, fortes, pour défendre une voix et un projet ensemble. Ah bah j'avais dit couillu au début de l'émission. C'est ça, couillu, ça, ouais. C'est parfait. Alors Lola Cesse, on a découvert que vous étiez corse, non, on ne l'a pas encore dit. Ah, mais maintenant on a tout compris. Attention, Juliette, attention. Vous créez des concepts. Et Marie, alors? Bah, elle est inutile, la petite. Quel est son petit secret? Comment avez-vous débuté dans la comédie musicale, vous? Eh ben, en fait, moi, j'ai commencé les cours de théâtre très très jeune. J'ai tout de suite su que je voulais être comédienne. Donc, j'ai pris des cours et en fait, je suis rentrée au lycée. J'ai fait un lycée horaire aménagé, c'est-à-dire que ma vie était géniale. Le matin, j'étais au lycée et l'après-midi, je faisais du chant, de la danse et du théâtre dans une autre école. Et j'ai eu une grande chance de pouvoir faire ça, de pouvoir tout de suite me former à mon métier. Et donc voilà, j'ai tout de suite touché un peu à tout. Et j'ai commencé avec le Soldat Rose dans le milieu de la comédie musicale. Et ensuite, j'ai continué, j'ai enchaîné avec le Magicien d'Oz, Cendrillon avec Lola, Hairspray, voilà. Dès le départ, comédie et chant ensemble, vous apprenez? Dès le départ, comédie. Et le chant, au début, j'avais pas vraiment confiance en moi. Je me disais, mais je sais pas trop si j'en... Si... Et puis en fait, c'est plus le chant qui est venu à moi. Et quand j'ai commencé les comédies musicales, je me suis dit, là, vraiment, il faut que je me forme. Parce que c'est important de le dire, il faut se former. Je le dis aux jeunes auditeurs qui nous écoutent. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, à la table aussi, un homme, donc Cyril Taïeb, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui les accompagnez le soir à Bobby. Moi, il y a... d'autres pianistes. Avec aussi. Deux autres pianistes. Elles ont beaucoup de têtes, les petites. Hein. Au grand point Thomas virgule. Cassis et Nicolas Vella. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vous aussi qui composez. Alors, comment ça se passe? Elles vous ont dit, écoute, on aimerait bien du swing à la Andrew Sisters, vas-y, débrouille-toi. En vrai, au départ, je crois qu'on voulait faire un album, et puis après, c'est vite devenu un spectacle. Et du coup, en termes musicaux, vous avez fait une commande? Je crois que c'est les choses instinctives comme ça, on pensait tous à la même chose. Il n'y a pas eu de brief. S'il y avait eu un brief, ça aurait été pas bien. Je crois qu'on est parti. Souvent, quand on est, alors, ce qui est marrant, c'est que quand on est sur une journée de composition, moi, j'aime pas trop être tout seul. Elles sont toutes les trois. J'ai envie qu'elles me maternent un peu. Et puis là, je prends une guitare ou un piano. Et puis, j'ai un début de mélodie. Il y en a une qui dit, ah, moi, j'aime pas du tout. Ou alors, il y en a une qui dit, ah, ça, j'aime bien. Non, on trouve autre chose. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Elles me font à manger et puis on finit par faire une chanson. Parfois, on reste des heures à côté de lui. On se regarde, on se dit, on est inutile. Et en fait, il aime bien. Il a besoin de ça. On écrit, des fois, on écrit à côté de lui. Oui, on écrit à côté. Ça, en fait, c'est jamais. Des fois, c'est lui qui a fait une on musique entre une fois. Filles et tout, c'est Juliette Faucon, Marie Facundo et Lola Cesse, les coquettes, vous avez invité des amis aussi ce matin. Oui. Ouais. Je vous propose. On a invité que des amis. Que des gens amis. Qu'on aime. Et alors, on va en découvrir une nouvelle. Elle s'appelle Camille Glémet. Ouais. Elle interprétait au théâtre de Jazet l'habitante de Transylvanie dans Docteur Frankenstein. Elle tombait complètement folle, amoureuse du petit-fils du Docteur Frankenstein, notamment à travers cette chanson. Elle a gardé l'accent. N'écoute que ton cœur. Camille Glémet en direct sur France Musique, une comédie musicale de Mel Brooks. Tu es le plus grand experte mondial du cerveau, mais quelquefois, mon docteur Cherry, ton cerveau devrait être la dernière chose à te venir à l'esprit. Réfléchir pour quoi faire, c'est une grave erreur. Fais rideau sur ton cerveau et n'écoute que ton cœur. Soyons bêta comme deux huîtres dès la première heure. Perds la tête, l'amour c'est chouette et n'écoute que ton cœur. Faisons vœu des sottises, rien du tout à l'esprit. Trop de matière grise, c'est pas bon dans un lit. Toi et moi soyons cruches, les plus bécasses des âmes sœurs. Si ma bouche t'envoûte, pas des doutes, faut que t'y goûtes, alors n'écoute. N'écoute que ton cœur. Hélas, il est notoire que depuis la nuit des temps, l'intellectuel n'est pas très sexuel. Les exemples sont flagrants. Chez Platon, l'amour faisait tâche. Abélard y jouait à cache-cache. Et pour ce qui est de Karl Marx, tout le monde y sait. Cache. Tu sais, c'est bon d'être juste un garçon. Alors n'écoute, n'écoute qui ton cœur. Camille Glemet, N'écoute que ton cœur, un extrait de la comédie musicale Frankenstein Junior d'après le film de Mel Brooks. C'était il y a quelques années au théâtre de Jazet. Le prochain invité des Coquettes se nomme Antoine Lelandais. Actuellement, vous pouvez le voir, c'est le méchant des Trois Mousquetaires au Palais des Sports. Là, c'est une chanson qui est extraite d'une comédie musicale que tout le monde connaît par cœur. On vous entend pas, Lola, voilà. Je disais, j'ai tellement hâte que vous nous disiez le titre de cette chanson. Non, je dirais simplement que la comédie musicale s'intitule R, elle était mise en scène par Ned Grugic en 2009 au Trianon, et que la très jolie adaptation est signée Sylvain Méniac. Je dirais aussi que c'est un choix très coquet de chanson pour ce dimanche matin à 11h51 sur France Musique. C'est à vous, Antoine Lelandais. La comédie musicale Antoine Lelandais. Vous l'avez compris, ce matin, la 42e rue reçoit les Coquettes avec des chansons entièrement en français, comme celle-ci. Vous y teniez, j'ai bien compris. Tout en français, sauf une. Notre prochain invité s'appelle David Solazzo. Il faisait partie de la bande des Bandits de Sister Act à Mogador. Une chanson qui reviendra à la mode en février, puisque La Fièvre du Samedi Soir, adaptée en comédie musicale, sera à l'affiche du Palais des Sports. Je vous laisse reconnaître ce standard des Bee Gees accompagné par les Coquettes. Voici David Solazzo. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me on the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna fill you with my arms again. And you come to me on the summer breeze, keep me warm in your love, then softly leave. And it's me you need to show, how deep is your love? It's your love, how deep is your love? I really mean to love. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show, how deep is your love. Really need to learn, cause we're living in a world of fools, breaking us down. Where they all should let us be, we belong to you and me. Sha-la-la-la-la. Ooh. Sha-la-la-la-la. David Solazzo, How Deep Is Your Love, et on referme ce cabaret 42e rue en direct ce matin au studio 106 avec les coquettes et leurs amis par un bon conseil qu'elles vous ont conservé forcément en ce dimanche matin pour la fin de l'émission. C'est à vous. Elle patiente dans le noir, elle arrive sans crier gare. M'attrape par surprise, moi je l'adore, elle est exquise. Elle se glisse sous ma robe, elle y met les formes. Elle me met à genoux, moi je l'adore, oui je l'avoue. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Aïe! Oh! Eh! Hey, Et ben voilà, là on vous voit, vous vous dites, c'est un groupe de filles, elles chantent des chansons rentre dedans, elles sont féministes! C'est dégueulasse! Ouais! Est-ce que si on était un groupe de mecs, on nous dirait. Ouais, est-ce que si on était les Beatles? Non, Juliette, c'est trop les Beatles. Ouais, est-ce que si on était Chico et les Gypsy? Voilà. Est-ce que si on était Chico et les Gypsy, on nous dirait ouais, vous êtes un groupe de mecs, est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes. Ouais, est-ce que vous êtes. Bah, vous êtes quoi? C'est quoi le mot pour définir la personne qui défend le droit des hommes? Ah, bah, je crois que ça existe pas. Oh! Non, mais y a personne pour défendre le droit des hommes? Oh, les boules! Mais comment on va faire? Oh, c'est ballot! Donc, au final, oui, on est féministe. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit un groupe de filles. Mais on l'est du lundi au samedi. Parce que le dimanche, je fais tout ça pour ça. Je te cuisine des anchois. Je critique ta mère, ça te sape pour mon derrière. Je revois mon ex. Je porte du latex. Je me fais des couettes, ça te sape pour qu'elle me fouette. La petite fessée du dimanche soir. Zouéa, skitidé, skalap tap tap tap, zouéa. Zouébédébé, zouébédébé, défté, skalap tap tap tap, zouébédé. Wow, wow, wow, wow, skibédébédébédébédébé, wow, skalap tap tap, zouéa. Moi ça fait, bah moi ça fait, bah moi ça fait. Tu élèves la voix, tu fais craquer tous tes doigts, tu tapes en plein dans le mille, je coupe les chines, je suis docile. Elle ne m'a pas déçue, je l'ai voulu, je l'ai eue, je serai une toute la semaine pour être sûre qu'elle me revienne. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Voilà, les coquettes, c'est ça. Merci les coquettes, on viendra vous découvrir chaque soir au Grand Point Virgule à Paris, aussi pendant les fêtes et puis en janvier, une toute nouvelle version du spectacle, si j'ai bien compris, avec la complicité de Stéphane Jarnier à la mise en scène et de Alex Lux pour les textes. C'est au Grand Point Virgule sur la page de 42e rue, le nouveau site. Vous retrouverez toute l'émission en vidéo filmée, la programmation musicale de l'émission. Merci à tous ceux qui étaient là ce matin. La technique, Delphine Baudet, Manon Houssin, Jean-Baptiste Etchepard-Bord, Frédéric Changenet, Perrine Mingui, Martine Moni. Merci Lola, merci Marie, merci Juliette. Merci Laurent, merci de nous avoir invités. Et notez d'ores et déjà le prochain cabaret 42e rue, ça sera le 8 janvier avec la troupe belge d'Un violon sur le toit. Dimanche prochain, on sera en direct avec Philippe Découfflé qui sera notre invité à son tour et programmera 42e rue. Très bon dimanche à tous sur France Musique.